As-tu lancé dans les airs? Je l'ai vu retomber après avoir emporté mes couleurs animées. Tu as brisé mon arc-en-ciel, tu as brisé mon cœur ouvert, mon cœur ouvert. Ne plus te regarder, ne me bouscule plus, ne m'appelle plus. Tu as brisé mon arc-en-ciel, tu as brisé mon arc de pierre, mon arc de pierre. Mon arc de pierre. Je repeindrai tout ce que j'aimais, toucher comme je fais les lumières qui me plaisent. J'ai réparé mon arc-en-ciel, j'ai redressé mon arc de pierre, mon arc-en-ciel. Dis-moi, quelle flèche as-tu lancé dans les airs? Je l'ai vu.